Livy, un médecin en quelques minutes. Moi c'est Marie, j'ai 33 ans et je vis en région parisienne. Ce week-end j'ai été super malade. Il se trouve que je vis dans un coin où il y a peu de médecins et mon médecin traitant n'était pas disponible ce jour-là. Alors du coup j'ai téléchargé Livy. C'est une application de téléconsultation médicale vidéo. Ça a été ultra efficace quand j'étais coincée au lit. J'ai été prise en charge en quelques minutes par un médecin généraliste et dans la foulée j'ai reçu une ordonnance électronique. Je recommande Livy pour tous ceux qui ont besoin de consulter un médecin rapidement. Livy, un médecin en quelques minutes. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à tous, nouvelle semaine, nouveau sujet dans la compagnie des auteurs. Nous parlons jusqu'à jeudi de l'écrivain ivoirien Amadou Kourouma, 1927-2003. Quand Kourouma meurt en France, à l'âge de 76 ans, il a publié 4 romans. 4 romans qui ont suffi à faire de lui un classique de la littérature africaine. À vrai dire, le premier de ses livres, Les Soleils des Indépendances, était déjà parvenu à faire de lui une référence littéraire tant la nouveauté de son style et de sa narration bousculait les codes littéraires établis. C'est ce roman qui reste encore aujourd'hui le plus commenté. Il a fait l'objet d'un colloque à Pau en 2013 et nous en parlerons demain avec son organisateur, l'enseignant Patrick Voisin. Après ces soleils, il y a eu 20 ans de quasi-silence, d'exil aussi, car Kourouma, que l'on a parfois surnommé le Voltaire africain, ne se laisse pas impressionner par le pouvoir en place dans son pays, la Côte d'Ivoire, celui bien sûr d'Oufoué Boigny. 20 ans qui conduiront à un autre livre, directement critique de la colonisation, mais aussi des gouvernements d'indépendance, intitulé « Monnaie, ouvrage et défi ». De son rapport à l'Afrique justement et aux autres écrivains africains, nous parlerons mercredi avec Romuald Foncoy, suivi de Bernard Magnier. Puis enfin jeudi, nous aurons la chance d'entendre en première partie la femme d'Amadou Kourouma, Christiane Kourouma, avec en deuxième partie, pour terminer la semaine, l'écrivain Nimrod. Il nous parlera des proverbes dans la littérature du grand écrivain ivoirien. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, comme chaque lundi, nous tâchons d'approcher l'homme avec son biographe, Jean-Michel Dian. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Selon le contexte africain, on dit que c'est ma mère a beaucoup souffert, que c'est parce que ma mère a beaucoup souffert que j'ai réussi, que tout ce que je gagne, tout ce que j'obtiens, c'est ma mère, c'est la souffrance qu'elle a adoptée. Elle a été séparée de moi, mon père l'a beaucoup brutalisée, elle faisait des choses. Et c'est ça, les gens prétendent effectivement, au village, ils prétendent que c'est parce que ma maman a beaucoup souffert que j'ai réussi. Voilà. Bonjour Jean-Michel Dian. Bonjour. On pourrait presque croire que c'est ironique quand Kourouma dit que c'est parce que sa mère a beaucoup souffert qu'il a réussi, mais lui, il y croyait sûrement un petit peu, voire même beaucoup. Bon, je pense qu'au fond, il y croyait, mais il faut quand même savoir que Amadou Kourouma n'a pas été élevé par sa mère. Il est resté quelques années à ses côtés, mais très rapidement, mais comme dans la tradition africaine en général, et Malinké en particulier, c'est l'oncle qui élève l'enfant, et Amadou Kourouma est élevé par son oncle paternel. Et donc, c'est tout un autre imaginaire qui s'est créé, qui ne s'est pas fabriqué vraiment autour de la mère. Mais justement, cet imaginaire tout de même de la pensée presque magique, d'une pensée africaine, lui qui était entre l'Afrique et l'Europe, est-ce qu'il était resté profondément de ce point de vue-là africain ? Oh oui, il a toujours été jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie, totalement nourri par l'imaginaire malinké. Faut savoir que Kourouma, ça veut dire chasseur en malinké. Et au fond, cette culture animiste, beaucoup plus que musulmane, c'est vraiment, ça a imprégné toute la vie d'Amadou Kourouma. Et même pendant l'exil que vous évoquiez au tout début de l'émission, assez régulièrement, Kourouma manifestait sa contrariété devant son déracinement, l'idée d'être toujours aspiré par son métier, j'espère qu'on en parlera, son métier de réassureur, et surtout par l'Occident, par Paris, par les mondanités. Et par moments, cet homme souffrait de ne plus être nourri par son imaginaire malinqué, qui est un imaginaire d'enfance. Et cette enfance-là, on la retrouve dans tous les livres de Kourouma. Il y a toujours un retour à cette enfance, à ce retour totalement... étonnant d'ailleurs la manière dont il raconte ça. C'est quelqu'un qui n'a absolument aucun tabou sur la manière d'exercer une force de littéraire autour de la tradition africaine, de la coutume. Et quand j'ai eu la chance de pouvoir, j'ai eu la chance de le connaître. Hein, en 92, vous l'avez rencontré une première fois, je crois, au Togo, c'est ça ? Oui, je l'ai rencontré au Togo, mais de manière un peu rapide. Mais je l'ai surtout l'année suivante rencontré au FESPACO à Ouagadougou, parce que il faisait partie de tous ces personnalités. Vous savez, le FESPACO, c'est un peu le festival de Cannes africain, et on aime bien s'y retrouver. Moi-même, j'y allais régulièrement tous les deux ans. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer longuement Amadou Kourouma. À l'époque, j'avais pas l'intention de faire une biographie sur lui, mais cet homme m'a humainement fasciné tout de suite par sa corpulence, par son rire absolument étonnant. C'est quelqu'un qui Bergson aurait été passionnant. On l'entendait là dans l'archive. Et ce rire-là, très bergsonien, comme on pourrait dire pour ceux qui sont spécialisés dans le rire. Le rire parlait à sa place. C'est un rire qui cache. Ah oui. Il se cache derrière son rire. Oui, son rire peut parler, c'est-à-dire c'est une langue pour lui de rire. Moi, je l'ai vu dans des situations cocasses se mettre à sourire, puis à rire, puis à emporter son personnage dans des délires de fou rire. Et rien que ça nous attachait à ce personnage. Quand je dis nous sommes beaucoup de journalistes, pas forcément des journalistes d'ailleurs, mais des artistes, hein, avoir été fascinés par le rire de Kourouma. Et cela vous a conduit à écrire cette biographie en 2010. Une biographie qui débute donc l'année de sa naissance, 1927, à Togobala, dans la région d'Odiéné, dans le Orodougou. Peut-être que vous pouvez nous préciser un petit peu. C'est dans l'AOF, c'est à l'époque où les frontières décidées par Bismarck n'existaient pas. C'est juste à côté de la Côte d'Ivoire, mais voilà. C'est pas tout à fait la Côte d'Ivoire. Vous savez, les frontières occidentalisées ne sont pas les réelles frontières de l'Afrique à l'intérieur des pays. Et à l'époque, il n'y avait pas cette frontière. Mais bon, les Malinqués, cette ethnie, et on l'a sur la Guinée, on l'a sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui, mais en réalité, c'est un peuple qui est devenu sédentaire, mais qui a été longtemps un peuple de chasseurs, de commerçants aussi, mais surtout de chasseurs. Et son oncle, précisément, était chasseur. Oui, il était chasseur. Il était même féticheur, donc comme beaucoup. Et ce qui est très intéressant dans la culture de l'enfance d'Amadou Kourouma, c'est que son oncle l'a vraiment élevé pour apprivoiser cette culture malinké. Par exemple, il y a une tradition qui veut que les enfants, à partir de 11 ans, aillent faire le dakoun, c'est-à-dire partent la nuit avec des lampes torches et essayent d'apprivoiser une bête. Et tout ce travail autour de la manière d'accaparer ces animaux. Les animaux font partie de la culture et en fait tout ça c'est son nom qui lui a appris avec tout ce qui toute la l'ornement qui existe sur le par exemple l'oncle en question conservait une météorite. Cette météorite, il la mettait dans une boîte et la nuit, chacun allait prier, j'allais dire, autour de cette météorite, mais comme les animistes peuvent le faire. Et Kourouma a bénéficié, puisqu'il en parle, on le retrouve dans ses écrits et dans ses conférences, il parle beaucoup de ces moments avec son oncle. Et cette confrérie des chasseurs à laquelle appartenait son oncle, elle est aussi importante dans la constitution intellectuelle de Kourouma parce que c'est un lieu, cette confrérie, où il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas de caste, et on peut progresser dans cette confrérie si on abat des animaux plus gros que les autres. Et d'ailleurs, à ce titre-là, son oncle était apparemment extrêmement respecté. Et cette manière de penser va beaucoup influencer Amadou Kourouma par la suite. Les règles du jeu n'ont rien à voir avec la tradition musulmane ou ce qu'ont tenté d'imposer les colons pendant l'époque coloniale, qu'a vécu de plein fouet Amadou Kourouma. Et tout ça, c'est très différent. Et en plus, c'est caché. Ça ne se voit pas. C'est extrêmement confidentiel. Mais ce sont des rites qui continuent encore aujourd'hui. Cette manière dont Kourouma a su les restituer dans ses romans montre à quel point on peut être à la fois musulman en Afrique ou catholique, peu importe, les musulmans sont nombreux dans ce coin de l'Afrique, mais que la culture animiste est nettement supérieure et en tout cas structure beaucoup plus que toutes les autres cultures religieuses. En tout cas, à l'école, là, il y a des hiérarchies et elles sont bien déterminées. Dans les années 30-40, on parle le français et le français est obligatoire. On se promène avec des symboles, c'est-à-dire celui que tu surprends dans la cour en train de parler sa langue, tu lui remets le symbole, il s'en va avec ça. Et le soir, après les écoles, après les travaux, le symbole, si le symbole se trouve dans votre main, ben vous êtes torturé, on vous bat, on vous donne des règles sur les doigts et un certain nombre d'éléments pour vous obliger. Enfin. Donc, le problème, c'était de parler français. Alors, au début, quand on parle français, ça va, mais si on ne peut pas, au début, on ne comprenait pas français. Et c'était tout un problème de pouvoir s'exprimer dans la cour, puisqu'on n'arrivait pas à s'exprimer. Alors, quand il y avait un camarade qui venait, on imitait comme si on parlait le français. On dit toi, toi, toi, toi, toi, enfin, des mots qui n'ont aucun sens parce qu'il fallait parler français. Vous avez eu l'occasion, Jean-Michel Dian, de parler avec lui de ses années d'école. Oui, on se voyait beaucoup plus souvent jusqu'à sa mort, quelques mois avant sa mort, je l'avais déjà revu encore, alors qu'il était malade. Mais on se voyait régulièrement, pas très souvent, mais régulièrement. Et cette interdiction de parler sa langue? Il n'avait aucun complexe avec l'oralité, francophone. Mais c'est curieusement quelqu'un qu'on avait du mal à comprendre, même tardivement. Moi je me souviens à l'époque où il était très connu, on attendait la venue d'Amadou Kourouma. Alors les gens étaient absolument impatients de voir l'orateur s'exprimer, d'autant plus que tous ses ouvrages, et notamment le premier mais le deuxième aussi, Monnaie, Outrage et Défi, sont très travaillés sur la langue. Il y a vraiment une langue Kourouma, et cette langue là chacun a inconsciemment le sentiment qu'il va la restituer verbalement. Mais c'était pas du tout le cas, à tel point qu'il y a même eu des moments, moi je voyais des gens qui se demandaient si c'était bien lui qui parlait. Il n'avait pas une élocution facile. Et même très jeune à l'école, ses instituteurs ne le comprenaient pas. Et au fond, ça l'a handicapé. Et peut-être d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles il s'est mis à écrire, non pas à écrire, mais à créer une vraie langue. Et le génie de Kourouma, c'est d'avoir créé une langue où c'est le malinké, sa langue orale maternelle, qui lui sert de guide pour fabriquer, violer, détourner, provoquer la langue française en permanence. C'est ça, le génie de Kourouma. Et c'est d'ailleurs très étonnant qu'il ait réussi finalement à s'installer dans le paysage littéraire dès les années 70, des années 70, parce qu'au fond, à l'époque, les lecteurs occidentaux n'étaient pas préparés à capter, à recevoir une langue aussi travaillée. Donc ce que vous soulignez, Jean-Michel Dian, c'est que déjà à l'école, il a des difficultés avec le français. C'est quelqu'un dont on n'a pas du tout l'impression qu'il pourrait devenir un jour un écrivain. En revanche, les mathématiques, ça fonctionne bien. Son génie adolescent, c'est les mathématiques, même beaucoup plus tard. C'est un personnage qui a quand même réussi à faire un métier que peu de gens connaissent, qui s'appelle actuaire, c'est-à-dire gérer des assurances. Il a été quand même à la tête d'une des plus grosses compagnies de réassurance d'Afrique. Il a dirigé l'Institut international des assureurs à Yaoundé. Il a réussi l'École nationale de la statistique. Enfin bref, à tel point que parfois, quand on a des conversations en Afrique avec des intellectuels africains et qu'on leur dit mais Amadou Kourouma, qu'est-ce que vous en pensez? Ils disent ah oui, oui l'assurance, oui oui très bien. Oui c'est ça. Donc pour beaucoup de gens, il était avant tout un assureur. Et pendant les 20 ans où il n'a pas écrit, puisqu'entre son premier roman et son deuxième, il y a 20 ans. Et à chaque fois, tout le monde attendait le deuxième roman. En fait, il travaillait en douce, la nuit, puisqu'en fait, le jour, il est dans la rationalité totale, il gère ses assurances, même à l'école. Il faisait ses devoirs à l'école, il faisait c'est le travail qu'on lui demandait. Et puis la nuit, il se met dans un autre personnage, qui est complètement poétique. Et qui est très différent, mais qui totalement est antagoniste différent. Selon d'abord, vous, il dort très peu, du personnage et de la journée. Ça, il est fatigué. Plus tard, il sera plus fatigué. Il dormira souvent en réunion parce que précisément, il dort peu. Mais au fond, c'est Janus. Il y a deux personnages. Il y a le rationnel le jour et l'irrationnel la nuit. Et c'est celui de la nuit qui fabrique. Mais peut-être comme dans les Dakoun, comme dans son enfance et son adolescence, quand il partait la nuit dans les forêts pour capter l'imaginaire des forêts et tout ce que son oncle lui donnait comme repère pour comprendre et imaginer le monde. Mais au fond, au plus profond de lui-même, Amadou Kourouma, c'est un imaginatif féroce. Il disait devant Bernard Dadier, je m'en rappelle, qui était ancien ministre de la Culture de Mpouet Boigny, il disait devant moi occidental, mes rêves à moi sont supérieurs à votre imagination. Et au fond, il n'a pas totalement tort. C'est un personnage qui est capable de délirer en se servant de la langue française. Il s'en sert. Et de cela, il fait une œuvre. Alors il y a un autre moment très important de la vie d'Amadou Kourouma dont on n'a pas encore parlé et qui suit chronologiquement la fin de ses études, c'est que quand même ce jeune homme qui se sent déjà une fibre indépendantiste va être obligé de combattre aux côtés de la France contre l'indépendance de l'Indochine. Racontez-nous ça, Jean-Michel Dian. Oui, c'est-à-dire qu'il a commencé à jouer les indisciplinés à Bamako quand il a fait l'école technique supérieure. Puisqu'on le considérait comme un bon élève, au fond, quand il était à Abidjan. Et on lui a proposé de prolonger ses études. Mais très rapidement, le personnage Kourouma devient assez indiscipliné. Et très rapidement, il s'oppose à ses enseignants, à ses professeurs, à tel point qu'il a été viré de l'école. Il est indiscipliné, mais en même temps, il est souriant. Enfin, il est toujours oui, Janus, comme vous le dites. C'est Janus. C'est-à-dire qu'on... On peut pas le prendre, on n'arrive pas à le choper en fait. Même quand il était adolescent, c'est quelqu'un qui était difficile à classer et politiquement encore plus. D'ailleurs, ces années-là où les écrivains connus commençaient à s'imposer, je parle de Senghor, mais je parle aussi de Mongo Betty, je pense de Kamara Lai, tous ces grands écrivains trouvaient leur légitimité dans la contestation. Lui, sa contestation, elle n'était pas du tout du côté de la littérature. Il s'imaginait pas du tout écrire. Mais au fond, quand il a été viré de l'école, il s'est retrouvé tirailleur en Indochine parce qu'on l'a obligé à le faire. Oui, oui, oui, je me trouvais du côté des Français pour combattre les Vietnamiens. Mon sentiment est double dans ce point de vue. D'abord, premièrement, je crois que il y avait chez moi et il y avait des gens, par exemple des camarades, qui disaient que nous apprenions la guerre coloniale, la guerre, la lutte contre la colonisation, parce qu'on s'attendait à ce qu'en Afrique il y ait une guerre d'indépendance. Donc, comme ça s'est passé en Algérie, tu vois, c'est la même situation qu'en Algérie. Et donc, on s'est préparé pour ça. Mais à la guerre d'Indochine, je n'ai pas eu beaucoup d'opérations à faire. Vous écoutez La Compagnie des auteurs sur France Culture. Et nous sommes avec Jean-Michel Djian pour parler d'Amadou Kourouma. Vous parliez tout à l'heure de Bernard Dadier. Vous n'avez pas cité une célèbre citation de lui que Kourouma a souvent rapportée. Bernard Dadier lui a dit un jour: rester avec les colons pour apprendre leurs méthodes, des méthodes que l'on saura le jour venu retourner contre nos maîtres. C'est pour cette raison au fond qu'il part en Indochine, c'est parce qu'il croit qu'il va apprendre comment un jour se rebeller contre la France. Oui, c'est ce qui est dit, c'est ce qu'il raconte. Moi je suis un peu moins convaincu, je pense qu'il avait vraiment pas le choix. Donc il est parti, mais Dadier avait une influence, c'est tout. Et puis là-bas, surtout, il commence à se familiariser avec un métier qui est assez proche de ce qu'il va faire, de manière, en termes d'écriture. Il se met à faire de la radio. Il est radio. Et donc, il commence à raconter des histoires avec sa méthode à lui. Mais il raconte ses histoires. Et puis, il faut savoir quand même qu'il était dans une ambiance extrêmement tendue, avec une obligation de discipline. Et puis, il a fréquenté quand même des gens assez curieux. Il a quand même... Bokassa était là. Il était... c'est à la même époque, quand même. Donc, voilà. Donc, il a beaucoup appris de l'Indochine, plus qu'il ne le dit, je pense, tout simplement parce qu'en revenant à Abidjan, il a cru que les consciences africaines étaient suffisamment mûr pour que ces indépendances se fassent dans les meilleures conditions possibles et que le peuple africain, enfin, allait s'émanciper et franchir cette étape décisive qui était de dire « bon, maintenant, les colons sont derrière ». Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Cet homme est revenu à Abidjan et il a été déçu. Il a été déçu parce que les Ivoiriens, ce qu'ils voulaient, eux, c'était devenir... faire partie de la France, devenir un département français. Et ça, c'était le choc terrible. C'est-à-dire que cette volonté de rester dans ce contexte-là, ça ne l'a pas aidé. Et en même temps, il a surtout découvert ces grandes figures de la politique africaine qu'il croyait, comme lui-même, teintées d'idéalisme, nourries d'idéalisme, des humanistes. Et Mfouet Boigny était l'anti-humaniste possible. C'est-à-dire que c'est un personnage qui s'est en gros servi d'un parti politique à l'époque, la RCA, qui lui a permis, grâce à une véritable ambition politique, de s'installer et de jouer les dictateurs. Et Kourouma n'y avait pas cru. Il s'est dit non, c'est un personnage très intéressant. Et c'est à partir de cela qu'un autre Kourouma s'est fabriqué. Et cet autre Kourouma, il s'est fait grâce ou à cause de Mfouet Boigny. Et le communisme, alors, parce que on peut le qualifier de communiste, même si c'est un communiste qui n'est pas ni léniniste, ni stalinien, mais tout de même communiste. C'est quelqu'un qui avait une conscience politique assez aiguë, mais qui se nourrissait à travers la lecture, mais alors régulière, du Canard enchaîné, du Monde diplomatique, lorsqu'il a fait ses études à Lyon, dans l'école des actuaires, il lisait les journaux, mais à perte de vue. Il allait dans toutes les bibliothèques, il allait là où il y avait des journaux qu'il n'était pas nécessairement obligé d'acheter, il les lisait en permanence. Je me souviens qu'il m'avait raconté à Ouaga qu'il piquait des journaux dans les poubelles qui étaient lus pour les relire derrière le soir. Donc, il se nourrissait totalement de la lecture journalistique des journaux. Voilà. Et c'est sa conscience politique qu'il a fabriquée comme ça. Mais il faut savoir que quand les étudiants africains de France était très dans la mouvance communiste, était très rebelle, très révolutionnaire. Lui, ne l'était pas. C'était pas un vrai révolutionnaire. D'ailleurs, il se mettait toujours un peu à l'écart de ces mouvements-là. On le trouvait un peu bizarre. Peut-être on le soupçonnait d'arrière-pensée. Il les fréquentait, mais il s'engageait pas vraiment. Donc, mais en même Qu'est-ce qui le gênait, finalement? L'engagement. Je pense que son rapport aux politiques est très curieux. Moi, je pense que c'est un politique contrarié. Il aurait aimé, et peut-être quand on arrivera à la fin de sa vie, on découvrira, grâce à sa notoriété, que c'était un personnage qui était très séduisant politiquement. Laurent Gbagbo lui avait proposé d'être ministre de la Culture ou ministre des Finances. Donc il y a eu quand même, à la fin de sa vie, il y a eu un intérêt de la part des hommes politiques africains de s'attacher les compétences réelles d'un écrivain qui ne vivait pas de son écriture. alors que tous les autres écrivains africains voulaient des écrivains. D'ailleurs, Kuruma leur reprochait cela. Il détestait ses collègues écrivains. Mais lui était un chef d'entreprise. Chef d'entreprise, mais surtout les Mongoletti. C'est pour ça que ça pouvait rassurer aussi ceux qui voulaient mettre un gestionnaire. Voilà, aussi. Absolument. Donc il était à la fois géomètre et saltimbanque. Et ces deux vertus-là étaient très originales en Afrique, parce qu'on est ou l'un ou l'autre. Alors Jean-Michel Dian, après la déception de son retour d'Indochine, il va partir finalement pour la France, pour étudier en France. On imagine que ça doit être quand même une tension pour lui, alors qu'il souhaite l'indépendance, d'aller à Paris précisément. Est-ce qu'on peut dire que la France c'est l'ennemi, ou est-ce que c'est pas comme ça que ça se joue ? Il n'est pas le seul dans ce cas-là. Il est, je pense... obsédé dans le bon sens du terme à l'idée d'avoir un très bon métier, d'avoir un statut social, d'avoir une famille, très important pour lui d'avoir une famille. Et d'ailleurs, toute sa vie, il a été un père de famille, il a eu 4 enfants, il s'est occupé d'eux, et surtout, il s'est marié à une Française. Christiane Kuruma, donc à Lyon, alors qu'il était étudiant dans cette école pour devenir actuaire. Voilà, et il se marie avec une blanche, comme il dit. Et ça a été un choc terrible en Afrique, puisqu'évidemment, on n'imaginait pas du tout qu'Amadou Kourouma, revenant s'installer à Abidjan, revienne avec une femme européenne, une Française. Mais bon, et il est resté toute sa vie avec Christiane Kourouma. À vivre à l'occidental ou à vivre comme un Malinké ? Non, il est assez doué pour épouser... les deux cultures, et il l'a fait très bien. Il les a assumées, peut-être aussi parce que son ambition de jouer un rôle, quel qu'il soit un rôle de grand entrepreneur en Afrique, un rôle d'écrivain ou d'homme politique, c'était son obsession. Et donc, pour y arriver, il est, avec son intelligence, avec sa capacité à rire, à l'empathie, parce qu'en fait, cet homme a une véritable capacité d'empathie pour les autres. Au fond, ça lui a pas posé de problème. Ce qui lui a posé de problème, c'est que c'est pas un diplomate. C'est pas quand il se met à parler, quand il se met à s'exprimer, à faire des conférences. Parfois, c'est un peu catastrophique. Mais le rire l'emporte. En fin de parcours, il a toujours un proverbe. Il se raccroche à ses proverbes malinqués, les proverbes africains en général, qui lui servent de sésame pour obtenir la liesse de la foule. Donc c'est bien un ambitieux qui rentre chez lui à Abidjan en 1961. Au début, ça se passe plutôt bien. On lui propose de créer la caisse de retraite et de prévoyance sociale de la Côte d'Ivoire. Mais en 1963, il va être arrêté à la suite de rumeurs de complot qui circulent dans la ville et auxquelles son nom est associé, Jean-Michel Dian. Il fait partie, Kourouma à l'époque, de ces intellectuels qui diplômés de France. C'est la première génération de ceux qui s'installent au pays et qui sont évidemment observés. Mais Mfouet Boigny, qui est pourtant un personnage assez fin dans la réflexion, ne voit pas d'un très bon œil l'arrivée de ses compatriotes se réinstaller sur Abidjan. Ce sont des concurrents potentiels. Et la capacité révolutionnaire qui va au-delà de celle qu'incarnait même Mfouet quand il a occupé le terrain sur Abidjan, c'est vrai que c'est... un personnage, je parle de Kourouma, qui pouvait inquiéter. Donc il va être arrêté très peu parce que sa femme est française. C'est la théorie du complot, voilà. Et en fait, il a été sauvé, mais tous ses copains ont été en tôle. Lui a été sauvé, mais lui a été en tôle, et ça a été le début de la fin, et au contraire, le début de quelque chose d'autre. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Jean-Michel Dian, c'est pas la première fois que vous écoutez cette émission. Non. Donc vous savez que au mi-temps de chacun de ces épisodes, nous faisons toujours une pause pour accueillir une ou un représentant des revues liées au livre. Et je vous présente, juste en face de vous, Véronique Heurtemat, chef de la rubrique Bibliothèque à Livre Hebdo. Bonjour Véronique. Bonjour Mathieu. Alors aujourd'hui, vous ne venez pas spécifiquement pour parler du sommaire de Livre Hebdo, mais pour parler du Grand Prix Livre Hebdo des bibliothèques. De quoi s'agit-il ? Oui, les bibliothèques sont des lieux importants pour le livre et la lecture, la littérature. Donc nous sommes toujours dans le sujet. Oui, surtout vous quand même, c'est votre rubrique. Voilà. Livre Hebdo, donc, qui est le magazine des professionnels du livre, a décidé en 2010 de créer un grand prix des bibliothèques parce que ça nous paraissait important de mettre plus en valeur et plus en lumière tout le travail que font ces établissements pour le livre, la lecture et pour la culture d'une manière générale. On sait assez peu, finalement, que les bibliothèques reçoivent chaque année plus de public que les stades de foot. Donc on a eu même envie... pendant l'Euro ? Ah, ça, je ne sais pas. Mais ce sont des établissements qui reçoivent beaucoup de public. Ce sont parfois, notamment en milieu rural, les seuls équipements culturels que les gens... peuvent utiliser. Et c'est aussi un des rares endroits en France où on peut venir librement, gratuitement, s'installer pendant 5 minutes pour lire un livre, de la bonne littérature ou un journal, ou rester des heures et personne ne vous demandera rien. Et c'est pour ça qu'à Livre Hebdo, vous avez réuni, alors il y a 6 membres, c'est ça, du jury, et vous décidez de décerner chaque année un prix à la meilleure médiathèque, bibliothèque, c'est ça ? Alors voilà, c'est un jury de 9 membres, dont en tout, dont 6 membres qui sont renouvelés chaque année, présidés par un écrivain chaque année. Et nous avons 4 catégories. Dans lesquels on va décerner des prix, c'est l'animation, l'accueil, l'espace intérieur, l'aménagement intérieur donc, et l'innovation. Alors ce qui est important à signaler, c'est que pour décerner un prix aux bibliothèques, il faut regarder là où elles innovent. C'est vrai qu'aujourd'hui, les bibliothèques développent tout un tas de concepts, à tel point qu'elles revendiquent ce terme de troisième lieu. Qu'est-ce que c'est que le troisième lieu ? Oui, Mathieu, vous avez raison. C'est un concept qui a été popularisé dans les années 90 par le sociologue américain Ray Oldenburg. Le troisième lieu, ce sont tous ces endroits où l'on va pour se rencontrer du monde, pour parler, pour débattre. C'est la place du marché, c'est le café, les pubs les anglo-saxons, aussi, les églises, absolument, les associations. Le premier lieu étant le foyer et le deuxième lieu, le travail. Et puis les médiathèques se sont emparées de ce concept et se sont rendues compte que finalement, elles aussi étaient des troisièmes lieux, des lieux de sociabilisation, des lieux de convivialité, des lieux où on pouvait venir débattre. Mais pas forcément pour lire des livres, c'est ça qui est nouveau. Alors voilà, ce qui est nouveau aussi, Mathieu, c'est que les bibliothèques ne sont plus seulement là pour offrir des livres, mais pour offrir tout un tas d'activités culturelles. On peut y venir pour faire du yoga, on peut faire un atelier tricot, on peut s'initier aux nouvelles technologies, utiliser une imprimante 3D. C'est maintenant extrêmement varié et ça englobe vraiment une vision de la culture très, très globale qui va bien au-delà de la lecture et de la littérature. Et vous avez des exemples dans ce sens de bibliothèques particulièrement originales ? Oui, alors depuis 2010, on reçoit évidemment des centaines de dossiers et on voit vraiment des tendances à une certaine originalité. Par exemple, l'année dernière, on a attribué le prix de l'accueil à la médiathèque Estaminet qui a ouvert à Grenay, une petite ville de 7000 habitants en Picardie, qui a carrément installé un vrai bar avec une pompe à bière à l'entrée de la médiathèque, parce que ça fait partie de la culture picarde d'accueillir les gens de manière conviviale autour d'un verre de bière. Jean-Michel, vous préféreriez une bibliothèque estaminée ou une bibliothèque où on fait du yoga ? Oh non, estaminé. Ça. Et Amadou Kourouma, même chose? Ah, je pense qu'il aurait fait comme moi. C'est pas très yoga, non? Non, pas très, ouais, non, c'est pas le genre. Alors, si on dirige une bibliothèque et qu'on veut participer au concours Livre Hebdo, comment fait-on? Alors, toutes les bibliothèques peuvent concourir. Elles ont jusqu'au 28 octobre cette année pour déposer leur candidature sur notre site internet, livre au pluriel hebdo.fr. Toutes les informations y sont. Vous pouvez nous contacter pour plus de précisions si nécessaire. Merci beaucoup Véronique Hortemath et donc longue vie au Grand Prix Livre Hebdo des bibliothèques. Merci Mathieu. Et la compagnie des auteurs poursuit son chemin entre Paris, Lyon, Abidjan et bientôt le Cameroun. Mais on aurait pu aussi s'arrêter à Alger. Nous le ferons si nous avons le temps avec Jean-Michel Djian. Toutes ces villes, ce sont des villes où a vécu l'écrivain qui nous occupe jusqu'à jeudi, Amadou Kourouma. Amadou Kourouma, auteur en 1970 d'un livre qui va faire date dans l'histoire de la littérature. Ce livre s'appelle « Les soleils des indépendances ». En voici un extrait. Comme toute cérémonie funéraire rapporte, on comprend que les griots malinqués, les vieux malinqués, travaillent tous dans les obsèques et les funérailles. De véritables professionnels. Matin et soir, ils marchent de quartier en quartier pour assister à toutes les cérémonies. On les dénomme entre malinqués et très méchamment les vautours ou bandes d'hyènes. Fama Ndoumbouya, vrai Ndoumbouya, père Ndoumbouya, mère Ndoumbouya, dernier et légitime descendant des princes Ndoumbouya du Horodougou. Totem panthère était un vautour. Un prince Ndoumbouya, totem panthère, faisait bande avec les hyènes. Ah, les soleils des indépendances. Au funérailles du septième jour de feu Kone Ibrahima, Fama allait en retard. Il se dépêchait encore, marchait au pas redoublé d'un diaryk. Il était à l'autre bout du pont reliant la ville blanche au quartier nègre à l'heure de la deuxième prière. La cérémonie avait débuté. Fama se récriait, bâtard de bâtardise, Nyamakhodé, et tout manigançait à l'exaspérer. Le soleil, le soleil. C'étaient les immenses déchéances et hontes, aussi grosses que la vieille panthère surprise, disputant des charognes aux hyènes, que de connaître Fama courir ainsi pour des funérailles. Lui, Fama, né dans l'or, le manger, l'honneur et les femmes, éduqué pour préférer l'or à l'or, pour choisir le manger parmi d'autres et coucher sa favorite parmi 100 épouses, qu'était-il devenu? Un charognard. Un extrait des soleils des indépendances, lu par Chris Nyanguna. Vous avez un rapport particulier avec ce livre, Jean-Michel Djian? C'est difficile d'aimer Kourouma si on n'a pas lu ce premier livre. Tout simplement parce que la gestation même de ce livre pourrait être une histoire à elle toute seule. Je veux dire, c'est comme je le disais tout à l'heure, sans Mfouet Boigny, pas de Kourouma. Mais la paranoïa incroyable de Mfouet Boigny à l'endroit des complots possibles dont Kourouma était une victime a créé le déclic définitif pour se mettre à écrire ce livre. Vous y croyez vraiment? C'est-à-dire qu'un écrivain comme lui ne devient écrivain que parce qu'à un moment donné, il se révolte. Sinon, il serait resté le PDG de la société de réassurance de l'Ouest africain. Il aurait peut-être écrit à côté, mais il n'aurait pas eu ce choc politique, ce choc violent qui a créé chez lui une envie de s'exprimer. Sauf que, encore une fois, il ne savait pas bien écrire. Il avait simplement été décomplexé en lisant des mémoires de sociologie quand il était à l'université à Lyon. Oui, il s'était dit finalement, il dit n'importe dit, quoi. S'ils peuvent écrire ça, moi aussi. Oui, c'était des sociologues qui parlaient de l'Afrique. Hein. Voilà. D'ailleurs, donc, il sera toujours... Ouais, toujours dans ses romans, il y a toujours des ethnologues, ouais. Des sociologues dont il s'agit de se moquer. En fait, ils les détestent. Ils savent parce qu'ils comprennent qu'ils ne comprennent pas sa culture. Et au fond, plus il lisait des documents insignifiants, puis il se disait, mais pourquoi j'écris pas moi-même? Et donc, il a commencé à écrire Les Soleils des Indiens. Juste après cet événement 62, où il se fait embastiller, en fait. Il se fait embastiller, voilà. Bon. Et puis, progressivement, il commence à écrire, mais très rapidement, ça ne marche pas. Il dit lui-même, il a voulu faire un essai. non pas un roman. Ça ne marche pas. Ensuite, il crée des personnages qui ne conviennent pas. C'est littérairement que ça ne fonctionne pas ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Je pense que dans l'essai, il n'y avait pas de construction comme il le souhaitait lui-même, parce qu'en fait, c'est un homme extrêmement exigeant par rapport à ce qu'il fait. Donc, il apprend très vite. Donc, il se met à apprendre. Et quand il décide de passer au roman, d'inventer des personnages, là, il est plus à l'aise. Son imagination est fertile. Mais la force des Soleils et des Indépendances, et on en parlera tout de suite, parce que dès Alger, il se passe des choses très étonnantes, parce qu'il a mis... La gestation fut longue. Il a écrit des dizaines et dizaines de versions des Soleils et des Indépendances. Sans jamais en parler, d'ailleurs. Sans jamais en parler. Très confidentiel, voilà. Et mais en même temps, c'est pas un grand lecteur. Il a lu Saint-Gore, il a lu Céline, parce qu'il était fou de Céline ou Beckett, mais c'est pas non plus un grand lecteur. Donc, comme disait Nimrod, à une occasion, on parlait de lui, il disait, mais en fait, il est vierge de toute esthétique, cet homme. Et c'est ce qui fait sa force. Il fait sa force, il crée, il est vraiment un créateur de langue. Donc en fait, il se retrouve avec finalement trois inspirations, si on peut dire. Son inspiration malinké, son inspiration tout de même occidentale. Absolument. Et une troisième inspiration qui découle du fait qu'il est vierge de la plupart du corpus des lectures que d'habitude on a lues et qui peuvent nous enfermer d'une certaine manière. Je ne suis même pas sûr qu'il ait lu Camus alors qu'il était à Oran. Je ne suis pas sûr. Mais peu importe. C'est vrai bouquin. Je vais vous dire ce que c'est. Ce sont des dictionnaires. Moi, j'ai vu chez lui, à Chalet, dans la maison où il habitait, des dictionnaires, mais par dizaines. Et quand j'ai fait ce travail de biographe... Il était collectionneur de dictionnaires, c'est ça ? Il y avait des dictionnaires partout, mais dictionnaires absolument inconnus. Mais il arrivait à les garder, il les lisait comme un roman. Et au fond, il a nourri son intellect d'idiolecte ou de syntaxe qu'il a essayé de fabriquer autour des mots qu'il inventait ou qu'il voyait en travaillant sur, encore une fois, sur une pensée qui était en construction. Voilà. Et quand il se met à écrire, à un moment donné, c'est Soleil des Indépendances, il l'envoie effectivement aux éditeurs par des petits paquets qu'il fabrique, qu'il envoie comme ça. Et en France, alors en France, au Seuil notamment, mais il l'envoie partout. On lui répond que c'était en gros illisible. Hein. Moi, j'ai vu des réponses. Les éditeurs lui précisaient que c'était pas en gros bien écrit. En même temps, on a entendu un extrait, c'est pas facile non plus. Non, c'est pas facile. Lire pour la première fois Les Soleils des Indépendances, ouais, quand dur. Ça arrive par la poste, ouais. On peut comprendre qu'il ouais. faut s'accrocher quand même. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au Seuil, ça c'est un cas de figure intéressant dans l'édition, c'est que après qu'il fut édité par des Québécois, la maison de Le Seuil, c'est Cherki à l'époque qui le dirigeait, rachète les droits et s'excuse par écrit auprès d'Amadou Kourouma de ne pas avoir essayé de comprendre le travail fait par Amadou. Voilà. Et donc réédite, et c'est grâce d'ailleurs au Seuil, que Kourouma s'est imposé dans la littérature, alors que ce sont les Québécois, et notamment un certain Vachon, Georges-Henri Vachon, qui l'avait découvert et qui l'a invité à passer un mois au Québec pour retravailler son texte avant de l'éditer. Donc vous voyez ce cheminement, cet homme est reconnu par les Québécois, le premier prix qu'il a eu... Par les Québécois, par une maison d'édition universitaire, donc c'est quand même un petit cercle. C'est un petit cercle à Montréal. Le premier prix qui l'encourage à continuer, c'est un prix belge. Donc voilà, cet homme n'est pas reconnu par l'Hexagone. C'est un monde qui ne comprend pas l'écriture, qui ne comprend pas qu'il y a dans la langue, qui ne comprend pas que le roman de Kourouma, Les Soleils des Indépendants, c'est une langue. Alors ça fait l'effet d'une bombe, finalement, une fois que ce livre paraît. On se rend compte tout de même de la puissance et de la force de cette proposition que fait Amadou Kourouma. Est-ce qu'on peut donner des éléments quand même de l'intrigue de ce livre et dire un petit peu de quoi il parle ? Bon, l'intrigue, c'est rentrer dans le monde imaginaire de Kourouma, sa culture malinké. L'histoire, c'est la déchéance d'un personnage qui s'appelle Fama, qui est le principal le principal personnage, qui est un prince et qui devient la risée de ses compatriotes parce qu'il se fait mener par le bout du nez par les coloniaux. Voilà, mais lui, tient... Sujet qui reviendra dans... Sans arrêt, ouais. L'outrage... Il en est réduit à la mendicité, mais en même temps, il s'accroche à ses coutumes, à ses religions, à sa religion, il s'accroche à sa culture, mais au fond, il est perdu. Mais ça, on n'ose pas le dire, c'est tabou. Kuruma, lui, le dit. En fait, c'est la voix intérieure de l'Afrique qui parle. Quand on lit Kuruma, quand la nouvelle génération lit Kuruma, dans les années 68, puisqu'entre 62 et 68, il a mis du temps à l'écrire, eh bien, c'est là que ça se passe, puisqu'il est édité en 70 par Le Seuil, réédité en fin de compte, et les étudiants africains s'emparent de ce travail comme étant le porte-drapeau de ce que pensent au fond d'eux-mêmes la nouvelle génération africaine. Et c'est ça qui fait l'immense succès, mais alors peut-être sur un malentendu, précisément, parce que on lui fait endosser l'habit finalement d'écrivain révolutionnaire. Donc il n'est pas. Alors que lui, c'est un écrivain tout court, disons. Mais il ne veut surtout pas être accaparé par les partis. Je vais vous citer une petite anecdote très drôle. Quant à Abidjan, la mode devient celle des soleils des indépendances. Tout le monde achète les soleils des indépendances. C'est incroyable. C'est vraiment le best-seller des années 70. Il y a des colloques qui sont faits sur Kuruma, alors qu'il n'écrit qu'un seul livre. Et à l'époque, on ne le connaît pas encore physiquement trop. Donc, il y avait eu un gros colloque à Abidjan, à Cocody, pas très loin d'où il habitait d'ailleurs. Et il y va. Mais dans la foule, il se met à écouter ce qu'on dit sur lui. Personne ne le reconnaît vraiment. En tout cas, il fait en sorte de ne pas se faire reconnaître. Et puis, il y a un moment donné, quelqu'un le reconnaît en disant « Mais il est là, il est dans la salle. » Et donc, le personnage qui était sur la tribune dit « Ah, il paraît que Amadou Kourma est dans la salle. » Alors, il y a un étudiant qui pose une question en disant « Mais pourquoi vous ne parlez jamais de lutte des classes ?» Puisque l'époque, c'est la lutte des classes. C'est la guerre froide, c'est les capitalistes contre les communistes. C'est vraiment, il y a vraiment deux idéologies qui s'opposent clairement en Afrique, comme en Occident. Et là, Kuruma prend la parole, disant, pensez un peu plus et essayez de comprendre pourquoi il n'y a pas de lutte des classes. C'est pas là-dessus qu'on va travailler. C'est pas là-dessus que je travaille. Ça va au-delà. Donc, il a cloué le bec à tout le monde, avec toujours des réparties assez rapides comme ça. Et au fond, c'était très courageux à l'époque de s'opposer à cette doxa qui s'est imposée dans la littérature comme en politique. Et Kuruma se situait là. Et alors ce courage, on va le retrouver aussi dans une pièce de théâtre, le Diseur de vérité, qui va lui valoir la disgrâce du chef de l'État qui se sent visé. J'ai écrit une pièce de théâtre, le Diseur de vérité. Ces 10 heures de vérité a été joué à la télévision, ça a sorti à la télévision. Et un jour, il y avait le directeur général de l'UNESCO qui était de passage à Paris. On a joué cette pièce. Cette pièce, il y avait l'ambassadeur de France et le directeur de l'UNESCO, c'était le français qui était là. Et l'ambassadeur de France a trouvé que la pièce était une pièce révolutionnaire. Dire pendant la guerre froide à Oufoué qu'on a joué une pièce révolutionnaire chez lui, c'était vraiment pour l'auteur un problème. Alors donc, j'ai perdu tout de suite mon poste et Oufoué a été, en définitive, maintenant que j'y pense, a été gentil et on m'a donné un poste de responsabilité au Cameroun. J'ai été directeur général de l'Institut international des assurances. L'Institut international des assurances était un institut qui s'occupait de la formation des cadres africains en assurance. Puis, j'ai fait 10 ans au Cameroun. Après, je suis venu au Togo, directeur général de la Sicaré, une compagnie de réassurance, pendant 10 ans aussi. Donc, ça fait les 22 ans, 20 ans et quelques. Et pendant ce temps, je travaillais sur mon outrage et défi autant que je pouvais, mais j'avais beaucoup de boulot. Alors cet exil forcé, Jean-Michel Dian, c'est le commencement d'une sorte de traversée du désert littéraire, puisque vous le disiez, il va mettre 20 ans à publier son deuxième livre, traversée du désert, peut-être pas en même temps. Non, c'est pas vraiment une traversée du désert. Je pense qu'il avait besoin de lenteur pour l'écriture. Il n'écrivait pas si facilement que ça, mais quand il travaille beaucoup, voilà. Mais cet exil lui a été profitable, les 10 heures de vérité. Alors, je dis c'est 10 heures en un seul mot, parce qu'il y a pas mal de gens qui pensaient que c'était 10 heures de vérité. Oui. Comme il est resté 10 ans en exil, 10 ans à Lomé, il y a des 10 partout dans le monde de Kuruma, mais c'est bien le 10 heures de vérité. Celui qui dit. Voilà. Oui. Et cette histoire-là l'a aidé, en fin de compte. En fait, encore une fois, c'est... Grâce à Moufouette, il a écrit. Mais d'ailleurs, il en parle en riant de cette anecdote qui est quand même assez terrible. C'est drôle. Mais, et encore, on le laisse pas rire comme il aurait fallu qu'on le laisse rire pour comprendre ce que ce rire. D'abord, il est très communicatif. Et en même temps, voilà, il dit des choses. Donc, il s'installe au Togo. Et puis, il écrit donc ce deuxième livre, Monnaie, Outrage et Défi. Il va d'ailleurs en perdre le manuscrit, à un moment donné. Il perdra souvent ses manuscrits, parce qu'il le laisse dans le taxi, il perd le taxi, il court derrière les taxis, il le laisse, comme ses bibliothèques d'ailleurs, il les perd. Il met toujours tous ses bouquins, toutes ses énormes dictionnaires. Quand il déménage, il les met dans des cartons et il perd les cartons, parce que le train est tombé en panne et que les gens dans les villages, quand ils voient un train en panne, ils foncent sur le train, ils piquent tout ce qu'il y a dedans. Et à chaque fois qu'il déménage, il met toujours ses affaires dans le train, et des trains de marchandises, et à chaque fois, il est dévalisé. Voilà. Et sa vie, c'était ça. Il se réinstalle, il se met à écrire, et Monnaie, Outrage et Défi, qui, à mon avis, le livre le plus extraordinaire de ses 4 grands romans. 5 si l'on considère que son roman posthume... Oui, je considère que son roman posthume n'était pas achevé. Il n'aurait probablement pas laissé éditer comme ça, mais après c'est un avis personnel. Donc les 4 grands romans qui sont achevés, eux en tout cas, sont dans les 4-là, Monnaie, Outrage et Défi. Ça porte bien son nom, Défi. C'était vraiment un défi à l'écriture absolument fantastique. D'ailleurs, le titre Monnaie, Outrage et Défi, vous savez que c'est le même mot. Monnaie, oui, ça veut dire outrage. C'est un sous-titre, d'une certaine manière. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, il fallait lui trouver un nom. Et comme il voulait qu'on révèle quand même cette idée de travailler sur l'avant-colonialisme, puisqu'en fait, c'est un travail sur Samori. Son grand-père était un des généraux de Samori, qui était un grand chef d'armée malinqué, et tout ce travail-là, il voulait que le malinqué soit vraiment partie prenante de cette écriture, encore plus pour les soleils. Et donc le titre, Monnaie, ça veut dire, non pas argent, mais ça veut dire outrage. Donc pour vous, c'est le meilleur livre, meilleur peut-être que En attendant le vote des bêtes sauvages, qui reçoit le livre Inter en 1998, que Allah n'est pas obligé, qui reçoit le Renaudot en 2000. En réalité, ce livre, Monnaie, Outrage et Défi, qui n'a pas eu le succès des autres livres, pour vous est plus important. Il est littérairement une extraordinaire avancée, à partir de laquelle d'autres nouvelles générations d'écrivains, comme Mabankou, comme Kossi Efoui, comme d'autres, se sont inspirés. C'est-à-dire que Kuruma est un chef d'école. C'est un maître d'école, quand même. Et tous ceux qui l'ont côtoyé, je parle des Nimrod tout à l'heure, mais il y en a bien d'autres, Thierry Nambo ou d'autres, ce sont des gens qui ont été totalement influencés par la liberté créatrice de Kuruma. C'est lui qui a fait avancer, non pas la cause de l'Afrique, mais la voix intérieure de l'Afrique. Il l'a dite, il l'a écrite. Et au fond, les 2 autres ouvrages qui ont eu des prix, certes, prolonge ou amplifie le travail fait par Kuruma, mais peut-être pour un lectorat plus facile à capter. D'ailleurs, il a eu le prix, le Goncourt des lycéens, parce que les gamins se sont sentis concernés par l'écriture de Kuruma, qui était en dehors des marges habituelles. Il y a un mot peut-être pour terminer cet entretien qui pourrait qualifier Amadou Kuruma, c'est le mot d'innocence. Et c'est peut-être l'innocence qui est la source de son génie. Oui, c'est ce que je mets d'ailleurs, je crois, en début de chapitre, du 5e chapitre. C'est très bien que vous rappeliez cette phrase, parce que ça résume parfaitement Amadou Kuruma. Merci beaucoup Jean-Michel Dian. Je vous propose, si vous le voulez bien, de terminer cette émission, comme chaque jour, avec Jacques Bonafé. Bonjour, il y a 2 absences criantes. Mais, comme le dit Birago Diop, les morts ne sont jamais partis. À la mort d'Yves Bonnefoy, le 1er juillet, c'est une photographie de Gérard Rondeau qui accompagnait l'article du Monde. Lui aussi, absent, terriblement absent depuis septembre. C'est un photographe, on aurait envie de mêler les mots poète-photographe, si proche, en tout cas, des poètes, que son nom s'y mêlait, Rondeau. C'est aussi le nom d'un très ancien poème. Sophie Nolo nous le dit dans un bel article pour le site du Printemps des Poètes. Qu'il photographie la guerre, la Marne ou les musées, les gens, les gargouilles ou les arbres, les livres, les fantômes ou le vent, Gérard Rondeau donne à voir plus vaste que le regard. Pas forcément plus loin, mais plus profond. Voilà qui nous rapproche de Bonnefoy et de son travail sur l'intensité perdue. Nous voulions prolonger un peu cette semaine passée sur les poèmes d'Yves Bonnefoy, comme pour feuilleter l'œuvre en prose. Elle est importante. Dans ce texte, Le lieu d'herbe, Bonnefoy nous explique ce souvenir de l'intensité perdue qui caractérise sa quête poétique. Le lieu d'herbe, le lac au loin. Autrefois, il y a bientôt 40 ans, je m'étais attaché à un aspect de l'imagination peu étudié alors, du moins à ma connaissance, le rêve que l'on peut faire d'un pays autre que tous les nôtres et jamais rencontré sur nos chemins, bien que si peu loin de nous que la voie que nous n'avons pas prise à des carrefours aurait pu peut-être y conduire. Un arrière-pays, nous dit Yves Bonnefoy, souvenir qui me poursuit sans cesse, aurait répondu Charles Trenet, une photo, vieille photo de ma jeunesse. Photographie, mais aussi des voix, dit Bonnefoy, comme on en entendait jadis à la radio, du temps de ces récepteurs en forme de cathédrale, où on écoutait croître et décroître ce qu'on appelait le fading. L'oreille collée au poste de radio, on s'attachait à ces voix qui, à des moments, disparaissaient presque. Où parlaient-elles? Qui étaient ces êtres qui chantaient aussi ou psalmodiaient? Chez eux, là-bas, n'était-ce pas l'arrière-pays? Nous faisons tous de beaux rêves. Nous vivons tous des instants où, de la multiplicité des soucis, du chevauchement des spectacles que l'imaginaire se donne, de tout ce remuement toujours tumultueux et confus, se dégage quelque chose de simple, d'harmonieux, d'accueillant, à quoi nous répondons par un mouvement qui est d'adhésion, mais aussi d'admiration. Une admiration pour une large part esthétique. Je dirais que ce que je nomme « beau rêve » est aussi un souvenir de cette époque où un être au monde a pris fin, où un autre s'est établi. Mais ce qui se signifie cette fois, ce ne sont plus des instants de pleine présence dans une chose ou un lieu, mais l'empreinte laissée dans la mémoire par la pensée qui leur a fait suite. Peut-être un soir m'attend où je boirai tranquille en quelque vieille ville et mourrai plus content puisque je suis patient. Si mon mal se résigne, si j'ai jamais quel corps, choisirai-je le nord ou le pays des vignes? À songer est indigne, puisque c'est pure perte. Et si je redeviens le voyageur ancien, jamais l'auberge verte ne peut bien m'être ouverte. C'est un poème d'Arthur Rimbaud. Voilà, Jacques Bonnafé, aujourd'hui, comme chaque jour, pour clore cette compagnie des auteurs. Un grand merci à vous, Jean-Michel Dian, pour ce trop rapide parcours de la vie d'Amadou Kourouma. Votre biographie de Kourouma est toujours disponible au Seuil. On peut également réécouter, figurez-vous, votre dernière à voix nue sur le site internet de France Culture. On n'a pas dit que vous étiez également producteur chez nous. C'était un entretien avec Franz-Olivier Gesbert. Et puis, puisqu'on parle des podcasts, eh bien, n'oubliez pas de vous plonger dans nos archives. Vous y trouverez toutes les compagnies des auteurs depuis le premier numéro. Cette émission a été réalisée par Laurence Millet, à la console Pierrick Monsigny et à la préparation Corinne Amar, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost et Eva Le Sceau. Ce numéro, tout comme les précédents, peut être réécouté et podcasté sur notre site franceculture.com. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux et puis faire découvrir Kourouma à vos amis qui ne le connaîtraient pas. Très bon après-midi à toutes et à tous à l'écoute de France Culture.